day. Doing things same old way. Whistling in the dark. Eventually, someone turns the light on. Salut, vous écoutez audioblog.fr, le carnet de notes de Luc Saint-Élie. Sur le site, qui est donc à audioblog.fr, vous pouvez réagir à ce que vous allez entendre, et si Internet c'est pas votre tasse de thé, vous appelez la journée, le 08 70 73 20 28, et vous racontez ce que vous avez à dire à mon répondeur. Si vous êtes en France et que vous appelez depuis un fixe, vous payerez une communication locale d'où que vous soyez, c'est une free box. Children laugh, laughing in the sun. Folks inside shopping for a gun. If your life is la-di-da, la-di-da, you might forget the summer song that sings inside us all. First a smile, in a while, feels like an innocent love. Cette note concerne la pantalonnade qui a conduit à la démission de Hervé Guémard, le ministre des Finances, et plus exactement à la place dans les médias qu'a occupée cette aventure. Qu'un ministre qui se fait payer un appartement somptueux par l'État, surtout quand il s'est fait connaître en réclamant une réduction des déficits publics, se fasse virer, c'est tout à fait normal. Que les journaux en parlent, c'est tout à fait normal. Que les télés en parlent, c'est tout à fait normal. Ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est la place qui a été consacrée à cette espèce d'aventure un peu people. Pourquoi la place ? Parce que dans l'espace médiatique, la place est comptée. Un JT, ça dure un temps défini, un journal, c'est un nombre de pages défini. Et quand un événement comme ça occupe tout le champ, ce qui a été pratiquement le cas cette semaine, il n'y a plus de place pour le reste. Et dans ce cas précis, on peut se demander si le fait que ça ait occupé tout le champ de l'information, ça et puis la grippe du pape, ça n'arrangeait pas un certain nombre de gens. Quand je parle d'arranger un certain nombre de gens, je ne vais pas me lancer dans la théorie du complot, disons que là on pourrait considérer qu'il y a une espèce d'ensemble d'événements qui se sont rejoints pour faire que tout le monde soit très content de sauter sur Guémard. Le truc le plus flagrant, c'est que officiellement, cette affaire Guémard, elle a commencé par un scoop du Canard Enchaîné du 15 février. Alors, un scoop, c'est un truc normalement extraordinaire, caché. Personne n'était au courant et d'un seul coup, un journaliste, parce qu'il a beaucoup enquêté, l'apprend. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'appartement en question, ce 600 m², il est situé à 10 mètres, 10 mètres exactement, du Club de la Presse de Paris. Le Club de la Presse de Paris, c'est le deuxième plus grand club de la presse du monde après celui de Washington. Et c'est là où se retrouvent régulièrement un certain nombre de plumes pour aller soit discuter de sujets sérieux, soit échanger quelques petits fours. L'appartement est absolument à côté. Mieux encore, les parkings, il en avait trois de Guémard, sont au même endroit que le parking dans lequel les journalistes qui vont au Club de la Presse garent leur bagnole. Et pour couronner le tout, ça, on peut considérer que pas grand monde était au courant, mais la société qui gère les parkings loués à Guémard fait partie du même groupe, c'est un groupe hôtelier, que celle qui gère le Press Club de l'avenue d'Iéna. Donc on peut considérer qu'il est un peu bizarre que d'un seul coup tout le monde se soit aperçu que, à la suite du papier du Canard Enchaîné, Hervé Guémard louait cet appartement absolument somptueux aux frais de l'État, parce que c'était de notoriété publique. Et un certain nombre de journalistes, et surtout de journalistes de renom, les gens qui fréquentent le Club de la Presse, c'est pas les soutiers de l'information, étaient parfaitement au courant de cette histoire, garaient leur bagnole à côté de la sienne, passaient devant à chaque fois, et la blague qui court au Club de la Presse, c'est qu'un des musts après après y avoir déjeuné, c'était justement d'aller regarder le duplex de Guémard depuis la rue. Donc là, pour ce qui est de l'aspect scoop, ben, on repassera un petit peu. Il n'empêche que cette histoire a fait les gros titres subitement pendant toute la semaine. Qu'est-ce qui se passait cette semaine pendant que tout le monde criait joyeusement en chœur Arrow sur Guémard ? Eh bien, cette semaine, il se passait quelque chose qui me paraît infiniment plus important. C'est la modification de la Constitution française et le référendum à venir sur la Constitution européenne. Or, pendant que les journaux parlaient à longueur de JT ou de première page de cette histoire Guémard, ils ne parlent pas de cette histoire de modification de la Constitution. J'ai rien contre l'Europe, je trouve plutôt que c'est une idée sympa, je trouve parfois qu'elle se fait un petit peu vite, mais au fond, je me suis tout à fait européen, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Simplement, la manière dont se passe cette histoire de constitution européenne est vraiment un déni total de démocratie, et je pense personnellement que les journaux qui ont passé leur temps à courir après Guémard auraient été plus inspirés de regarder ce qui se passait pendant ce temps-là. Quand je parle de déni de démocratie, c'est pas une envolée lyrique. Giscard d'Estaing, qui est un des pères de cette Constitution européenne, l'a dit assez clairement. Ce que je vais citer, vous trouverez, c'est en ligne, donc vous trouverez le lien dans la liste des adresses web qui accompagnent cette note. C'était il n'y a pas très longtemps, dans une journée autour de cette histoire qui était organisée par HEC et l'hebdomadaire Le Point. Et donc Giscard, entre autres déclarations sur cette histoire de référendum, a balancé « Si les Français votaient non au référendum sur la Constitution européenne, il faudrait leur dire « Vous avez un an pour réfléchir et vous pouvez revoter ». Ça me paraît assez clair, c'est-à-dire que si l'électeur ne vote pas bien, on va le faire revoter jusqu'à ce qu'il arrive à voter comme il faut. Ça dénote un véritable respect de la démocratie. Et Giscard n'est pas le seul dans ce cas-là. Parce que la modification de la Constitution pour laquelle les deux chambres sont réunies donc depuis le 28 participe exactement, mais alors vraiment exactement, de la même démarche. Et tous les journaux là-dedans y vont de leur grand concert de violon en pipotant totalement sur ce qui est en train de se dérouler. La chose est simple, on va organiser un référendum pour demander si les Français sont pour ou contre l'Europe. Si, enfin pas l'Europe, la Constitution européenne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Si cette Constitution, il y a un « si », si cette Constitution est bel et bien adoptée, à ce moment-là, il y a quelques incompatibilités techniques, et là je ne suis pas juriste, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec notre constitution à nous, et cette constitution française donc doit être adaptée pour pouvoir s'imbriquer correctement avec la constitution européenne, c'est logique. Or ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. On est en train de modifier, c'est ce que font actuellement les deux assemblées réunies, sont en train de modifier notre constitution en prévision de la constitution européenne. En gros, à vous électeurs, on vous dit, vous allez voter pour le référendum, on n'en a rigoureusement rien à foutre. De toute façon, tout a été déjà préparé, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non, comme ça vous chante, tout est prêt pour que ça roule. Et les journaux là-dedans, sont absolument légers pour ne pas dire inconséquents, puisque la phrase la plus courante, c'est, quand on parle de cette révision constitutionnelle, on dit que c'est une révision constitutionnelle qui ouvre la voie au référendum, ce qui est absolument pas vrai. Cette révision constitutionnelle, elle est faite pour adapter notre constitution à c'est donc cet éventuel, mais c'est puisqu'il y a un référendum, c'est qu'il y a question, donc c'est une éventuelle constitution européenne de manière à la rendre compatible. Sauf tant qu'il n'y a pas de constitution européenne votée, il est absurde, il est même antidémocratique de modifier la constitution française. Et ça, j'ai vu aucun journal l'expliquer. C'est beaucoup plus simple d'aller crier « Guémard est un salopard », ce qui est sans doute vrai par ailleurs. Mais bon, on s'en fout parce que l'appartement de Guémard, mes gamins, ça n'aura pas de conséquences sur leur vie. Vos gamins, ça n'aura pas de conséquences sur leur vie. La constitution européenne, il n'est pas impossible que mes gamins, ça a une conséquence directe sur leur vie, que vos gamins, c'est une conséquence directe sur leur vie. Et on en revient à ce dont je parlais tout à l'heure en termes d'espace consacré à cette pantalonnade people, c'est que l'espace médiatique n'est pas infini, et donc, comme toute la semaine, cet espace a été totalement occupé par l'appartement de Guémard, dont tout le monde se fout au fond. On ne vous a pas demandé votre avis si vous vouliez payer son loyer, et on ne va pas vous demander non plus si vous voulez arrêter de payer son loyer. Pendant ce temps-là, personne n'a parlé exactement de ce qui se passait. On est en train de modifier la Constitution, personne ne sait exactement pourquoi, alors que ça se fait tout à fait à contresens. Et ça, c'est non seulement dommage, mais c'est un vrai scandale. Que nos gouvernants fassent ce genre de choses, après tout, les gouvernants ne sont pas des gens parfaits. Que les médias embrayent le pas et servent de buisson pour pouvoir planquer ce genre de truc, alors là, je trouve ça moins que moyen. C'est tout pour mon petit coup de gueule d'aujourd'hui. Côté musique, on a commencé par un groupe du Dakota, du Sud Dakota, qui porte un nom de circonstance, ce nom c'est Suspect, et qui nous ont joué un morceau de musique de circonstance lui aussi, puisqu'il s'appelle Wonderful Terrible Thing. Et on va se quitter avec Damselfly, une assez jolie nana, qui nous met en musique ce que tous les médias vous racontent depuis une semaine, Let You Go.